بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم مختصر أحكام الصيام qui est le résumé des règles du jeûne. Mais en réalité, c'est bien tout plus lié au Ramadan. Hadith commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب سأسأل عن الدرس الذي قد مضى درس ديا طيب est-ce que l'intention est une condition pour le siyam à partir de quand à partir de quand tu mets l'intention pour siyam de la nuit d'avant le siyam naam et on a dit que tu peux mettre une intention en début de mois qui est valable pour tout le mois sauf si tu l'interromps par un voyage ou par une maladie. Là, il faut la renouveler. Taïeb. Quelles sont les choses qui annulent le jeûne ? Et les rapports. Arsent. Quelles sont les choses qui rejoignent le manger et le boire? Les choses annexes, tu vois. Tout ce qui est avalé. Et même les choses toutes petites dont on peut se débarrasser également. Et quelles sont les choses qui rejoignent les rapports? Volontairement. Allez, tout ce qui amène à une éjaculation de façon volontaire, ça annule le jeûne. Celui qui mange et qui boit et qu'il a, alors qu'il l'a oublié, c'est quoi le jugement? Non, il n'a rien. Et si tu le vois faire, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis. Est-ce que le vomissement annule le jeûne? Le fait de vomir? Hendek? Là, ça annule pas. Ni volontairement, ni par erreur. Car le hadith qui est venu n'est pas authentique. La hijama, les ventouses. Est-ce que ça annule le jeûne? Ça n'annule pas. نعم ولكن طيب ما الجواب ولا ريبونس للهجامة c'est quoi la réponse par rapport comme la diable de la hadi le fait que le hadith est venu فترى الحاجم والمحجوم le hadith est authentique ايوا il est abrogé le hadith est abrogé. La sortie du sang. Parce que le fait de saigner, ça annule le jeûne. Quelqu'un qui jeûne, par exemple, et il saigne. Parce que ça annule son jeûne. Voire même, il fait une prise de sang. Il fait un don de sang. Parce que ça annule son jeûne. Là, ça annule pas le jeûne. Kama dia fil athar an Ibn Abbas. رضي الله عنه قال الفطر ما يدخل وليس ما يخرج. Il a dit que ce qui est rond, c'est ce qui rentre et non pas ce qui sort. Ça, c'est une règle. D'accord ? C'est ce qui rentre et non pas ce qui sort. Taïeb, ça c'était un moment, il y en a d'autres choses, mais bon. On a dit que l'expiation, elle est pour qui ? Elle est valable pour qui ? Celui qui doit rattraper ses jours de jeûne manqués. Hein ? Yannir Moumoun, donne un kalem plus général. Mais encore. Là, on dit, Yannir, pour qui, parmi les gens qui ont rompu leur jeûne, pour qui le rattrapage est-il obligatoire ? Est-ce que toute personne qui a rompu son jeûne volontairement doit rattraper son jeûne ? Non, ça c'est ce qu'on avait pris la dernière fois. Là, mon but, là, je vise autre chose par la question. C'est notre réponse que je veux. Tu l'as plus ? On a dit que c'est pour celui qui est excusé. Celui qui rompt son jeûne volontairement sans excuse, il n'a pas rattrapé, c'est fini pour lui. Le jeûne qu'il a perdu, il a perdu. Il a combien de grands péchés de faire tawba ? Quelqu'un qui a mangé pendant Ramadan sans excuse, volontairement, lui, son jour, il peut le rattraper 10 fois, 100 fois. Le jour, il est fini. Par contre, il doit faire tawba, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et faire, multiplier les actions rogatoires pour combler ce manque qu'il a fait. Mais ce jour-là, c'est fini, il est fini. Et malgré cela, même s'il a mangé, il doit continuer à jeûner après. Il ne dit pas, j'ai mangé, c'est fini, c'est bon, j'ai toute la journée, je peux manger, je peux boire. On dit non. Tu as mangé, tu as fait l'erreur de manger, tu fais tawba, et malgré ça, tu arrêtes de manger. Non. Donc celui qui a rompu son jeûne volontairement, sans excuse, lui, il n'a pas rattrapé, lui doit faire tawba. Et c'est un grand péché qu'il aura commis. Pas même. On a dit quoi par rapport au sahur, au repas de l'aube ? Mustahab. Et également, il est recommandé également, à quel moment il faut le faire ? Lakin, c'est quoi le... Allez, comme ça. C'est quoi le... Qu'est-ce qui était souligné là-dessus ? Là, par rapport au temps. C'est quoi le stirbab ? Ah, ouais. Il est recommandé de le repousser jusqu'au dernier moment. Sahur, il est recommandé de le faire jusqu'au dernier moment. Et que même celui qui ne l'a pas fait, jeûne quand même. Il ne dit pas, j'ai pas eu de sahur, je ne jeûne pas. Parce que ce n'est pas une condition pour jeûner. C'est juste pour te renforcer afin d'avoir une certaine force et il y a une baraka dedans. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a dit que le siwak peut être utilisé dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Et parmi... Est-ce que le fait de commettre des péchés, ça annule le jeûne ? Ça le réduit, et ça fait perdre sa valeur. Avec divergence. Il y a péché, il y a péché. Alors celui... Mathalane... Qui fait zina ou al-azubillah, il a rompu son jeûne. C'est un péché ou pas ? Ma fassalna. Je ne dis pas détaillé, je dis le péché. Donc, à un moment, quand on dit ça, tu fais attention, tu dis ah, tu dis. Non, c'est même pas question de sarah le kabaïr. C'est pas question de petit grand péché, c'est que le fait de faire zina là-bas, c'est un rapport que tu as eu. Donc, ça annule le jeûne. Celui qui fait zina, qui fait un nez, qui aurait des rapports sexuels. Donc ça annule le jeûne. Ça va même t'année. Celui qui ment, c'est un grand péché, c'est pas un grand péché. Est-ce que ça annule son jeûne ? Pas son jeûne. Donc c'est pas question de grand péché, c'est est-ce que le péché en lui fait partie des choses qui annulent le jeûne, à la base. Par exemple, quelqu'un qui boit de l'alcool, ça annule son jeûne ou pas ? Pourquoi ? Pour l'alcool ou parce qu'il a bu quelque chose ? Parce qu'il a bu quelque chose. Non. Celui qui mange du porc, ça annule son jeûne ou pas ? Pour le porc ou parce qu'il a mangé quelque chose ? Voilà. Mais il aura commis il aura le lien entre deux péchés, le fait de manger, le fait d'avoir mangé une chose qui est interdite en plus. Par exemple. Mais là-bas, c'est que les péchés qui ne contiennent pas des choses qui annulent le jeûne, en soi, c'est pas partie des moufats tirat, ça n'annule pas son jeûne. Maintenant, je sais que les ulama, là-dessus, ils disent qu'il y a une nazar, c'est discutable. Donc, quelqu'un qui passe sa journée à insulter, à mentir, à se bagarrer, et à faire à côté de la musique et un tas de choses, on dit son jeûne, en quoi il est valable? On a dit comme ça. Pas mal. Et si quelqu'un, par exemple, t'insulte, te provoque, alors que tu jeûnes, qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis inisa'im. Je suis jeûneur, je jeûne. Dans le sens, je jeûne. Si c'est un muslim qui est de la taqwa, normalement ça le bloque. Ça le met mal à l'aise. Ça lui fait un rappel que tu es en adoration et que lui, normalement, est censé l'être aussi. Et s'il ne l'est pas, on va dire comment vais-je m'en prendre à quelqu'un qui est en adoration? C'est un rappel. Faïe. Non, c'est lui. قال الفصل الثاني زكاة الفطر c'est la zakat de la rupture qui a lieu quand à la fin du mois de Ramadan quand les jeunes ont jeûné il y a zakat al-fitr قال تعليقا تحت في الحاشية il a dit تنبيه إخراج المال في زكاة الفطر لا يجزى لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الأقوات فلا يجزى إخراجها مالا. Donc il dit que le fait de donner cette zakat en argent, en bien autre que la nourriture, cela n'est pas valable. Ce n'est pas accepté. Zakat al-fitr, elle se donne en nourriture. D'accord? Elle se donne en nourriture. Il se peut que des gens disent, notre époque elle a changé. Maintenant les gens, ils ont de l'argent. On dit que à l'époque du Prophète sallam, il y avait de l'argent, il y avait de la nourriture. Pourquoi il n'a pas donné de l'argent? Et les Sahaba non plus n'ont pas donné en argent. Ils auraient pu le faire. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Donc ça, ce sont des choses qui étaient présentes à leur époque. Donc il n'y a pas lieu de changer. Dans la zakat al-fitr, tu la donnes, d'accord, en nourriture. Et celui qui la donne d'une autre façon aura innové. Et toute innovation est rejetée. Taïeb. Donc il dit, awalan hukmuha, son jugement. Cette zakat, qu'elle a mis son jugement. واجبتون ووجوبها على جمهور العلماء لقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن يؤدى أو تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. Donc ça c'est obligatoire. Et ce jugement est celui qui est choisi par la plupart des savants. Elle obligatoire. Et la preuve de cela, c'est ce que rapporté Ibn Omar, qu'il a dit que le prophète Mohammed a dit que le messager a rendu obligatoire la zakat al-fitr d'un sort de timbre. Un sort, c'est quatre fois les mains liées comme ça. Quatre puisées, on va dire. D'accord, quatre puisées de mains d'un homme de taille normale, on va dire à peu près. Vous voyez, quatre fois comme ça. Donc il a dit, donc ça s'appelle un sort. Ça c'est une mesure, c'est pas un poids. C'est une mesure, c'est pas un poids. Donc soit un sort de date, ou un sort d'orge pour l'esclave, pour l'homme libre, pour l'homme ou la femme, pour le grand ou le petit, parmi les musulmans. Et il a ordonné qu'elle soit donnée avant que les nas, avant que les gens ne sortent pour la salat. Salat al-Eid. Donc ça veut dire que là, cette zakat est obligatoire pour tout musulman. Cependant, le abd, le serviteur, l'esclave et l'enfant, cette zakat est sortie par celui qui a autorité sur eux, leur wali. Par exemple, l'esclave, c'est son maître qui sort pour lui. Et l'enfant, c'est son wali, son tuteur, que ce soit son père ou celui qui s'occupe de lui. Même pour la femme mariée, son mari qui sort pour elle, à la base. Maintenant, si elle peut le faire d'elle-même et qu'il ne peut pas, elle le fait. Ça lui est obligatoire. Thomas. Qale, waqtuha, son temps. أما بداية وقتها فتجيب ابتداء بانتهاء شهر رمضان ويجوز تقديم اليوم واليومين والثلاثة إذا احتاج إلى ذلك وآخر وقتها صلاة العيد وبعد صلاة العيد تكون صدقة من الصدقات وأما تعجيلها من نصف الشهر من الأول ومن أول الشهر فهذا غير صحيح ولا تقبل. Donc il dit, son temps pour la remettre, le temps qui est valable pour la remettre, il a dit c'est à la fin du mois de Ramadan. Il est permis de l'avancer d'un jour, de deux jours, de trois jours, s'il y a besoin. Comme l'a fait Ibn Omar, radhiyallahu anhu. Les autres sahabas n'ont pas contesté. S'il y a besoin, par exemple, si tu vas être occupé, tu ne pourras pas la donner ou quoi, tu peux avancer. Et le plus important, c'est qu'elle soit donnée avant la salat du Eid. Avant la salat du Eid. Par contre, si jamais tu la retardes et tu la donnes après la salat, là, elle prend le jugement d'une simple sadaqa. Une simple aumône. Enfin, les aumônes normales. Ce n'est plus une zakat al-fitr. Donc là, tu auras délaissé cette obligation. Par contre, quant au fait de l'avancer depuis la moitié du mois de Ramadan, ça, ce n'est pas authentique. Ce n'est pas valable. Et si tu la donnes avant, elle sera comme celle qui est donnée après Salat al-Aïd. C'est une simple sadaqa. Elle ne sera pas comptée comme Zakat al-Fitr. Tayyib. Qala thalithan qadruha wa asnafuha. Il dit sa quantité et sa catégorie. C'est-à-dire de quel genre de nourriture, d'accord, on prend cette zakat. Qala yukhraj ta'an min qut المعتاد فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى في الحديث الأقوات التي يعتاد عليها من الشعير والزبيب والأقط والتمر ولكن قال العلماء إنما أراد عليه الصلاة والسلام أوقات أهل البلاد فإذا وجد أهل البلاد فإذا وجد أهل البلاد عندهم قوت آخر يعتادونه أخرج منهم أو خرج منهم ممكن. وفي بعض البلدان لا يعرفون إلا الأرز ويمكن أن تخرج منه أن يخرج منه وهكذا. Donc on a dit sa quantité c'est quoi? C'est un sa' par personne, c'est-à-dire 4 puisées des mains d'un homme de taille normale. Et elles doivent être prises de la nourriture à laquelle les gens sont accoutumés dans le pays. Pas même. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a nommé des catégories, comme les dattes, comme l'orge, le blé, d'accord, le raisin, ainsi de suite, car c'était les choses qui étaient répandues chez eux à leur époque. Cependant, les ulama disent, si dans un pays, et les gens ont une autre coutume alimentaire, tu peux donner du pays, de la nourriture de leur pays. Par exemple, un pays ne mange que du riz, tu peux donner un riz, par exemple. Mais ça, c'est la même quantité, ça reste un sar. Ça reste un sar. Quatre puisées. Dans un pays où les gens ne mangent pas cela, tu ne viens pas, tu donnes cela comme nourriture. La salade. Mais généralement, les dattes, t'en as partout. C'est-à-dire, tout le monde mange des dattes. Elles ne poussent pas partout, mais tout le monde en mange en général. Et c'est connu que les dattes, à la base, c'est parmi les denrées alimentaires les plus fréquentes chez les musulmans. طيب رابعا على من تجب pour qui est-elle obligatoire قال تجب زكاة الفطر على كل فرد سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى حرا او عبدا على كل شخص صاع اذا كان مسلما من المسلمين من كان كبيرا فوجوبه على نفسه واما الاسره كالزوجه والاولاد والبنات فوجوبها على رب البيت وكذلك العبد الوجوب يكون على السيد هذا كما قلت tout à l'heure cette zakat est obligatoire pour tout musulman grand petit homme ou femme libre ou esclave et que tout homme pubère ou femme pubère à la base ça lui est obligatoire pour lui-même quant à aux familles et aux esclaves l'esclave ça lui est obligatoire il y a un obligatoire à son maître les familles c'est obligatoire à au maître on va dire au, tuteur de la maison. Alors, des fois, ça peut être le grand frère. Le père, par exemple, est décédé, Arshimallahu Ta'ala. C'est le grand frère qui gère toute la maison. C'est celui de sa mère, ses petits frères, ses petites sœurs. C'est lui qui va sortir la zakat, par exemple. C'est pour ça que le mot tuteur est plus général. Donc là, c'est ce qui concernait zakat al-fitr. ثم بعد ذلك قال الفصل الثالث الاعتكاف. Alors ce qu'on appelle l'i'tikaf. Maintenant il dit pourquoi est-ce que souvent les ulama mettent dans leur livre l'i'tikaf dans le livre du jeûne, chapitre du jeûne. Ils disent parce que la coutume du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il faisait l'i'tikaf les 10 derniers jours de Ramadan à la base. Mais comme cela va venir, le jeûne en soi n'est pas une condition pour être mu'takif. Aussi autre chose, ça va venir. Donc on dit, tu peux être mu'takif, faire l'i'tikaf, sans pour autant être jeûneur. Ce n'est pas obligatoire. Et c'est quoi la preuve? C'est le hadith de Omar, radhiyallahu anhu, qui dit qu'il avait fait le vœu de faire l'i'tikaf, c'est avant qu'il se convertisse. Dans le Masjid al-Haram, il ne l'a pas fait. Après, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai fait mon tel vœu dans la Jahiliya, avant mon islam, de faire l'i'tikaf une nuit. Il lui a dit, accomplis ton vœu. Et la nuit, est-ce qu'on jeûne la nuit? On ne jeûne pas la nuit. Ça, c'est une preuve que le fait de jeûner n'est pas une condition pour faire l'i'tikaf. Amen. Tayyib. Qal. Ta'lifu al-i'tikaf. Sa définition, al-i'tikaf. Lughatan, luzum al-shay. Habs al-nafs alayhi. C'est le fait de perdurer sur une chose et d'y contraindre sa personne. D'accord? Perdurer sur une chose et d'y contraindre sa personne, sa propre personne. Tu te fais faire une chose, d'accord, et tu perdures dessus. Shar'an, dans la législation, c'est habs al-insan nafsahu fi masjidin min masajid ta'abudan lillahi subhanahu wa ta'ala wa la yakhruju illa li haja. Donc là, c'est le fait que la personne reste dans la mosquée, parmi les mosquées, en vue d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qui n'en sort que pour un besoin. Donc là, en voyant cette définition, on se rend compte de l'erreur de traduction que les gens mettent comme étant la retraite spirituelle, l'i'tikaf. Cette traduction n'est pas bonne. Car spirituel, ce n'est pas forcément une chose qui est liée à l'adoration. La retraite, liée à un côté réel. Tu te retires, tu t'isoles. Mais spirituel. L'adoration n'est pas une chose qui est spirituelle. C'est lié au cœur, c'est lié aux actes, à plein de choses. Là, on dirait que tu retires ton esprit. Non, c'est que tu t'isoles pour pouvoir te consacrer à l'adoration. Et l'adoration, ce n'est pas lié qu'à l'esprit. Donc, quand on dit retraite spirituelle, on ne ressent pas ce côté adoration. Donc, le meilleur dans ce genre de termes, c'est de laisser comme ils sont. Tu dis irtikaf. Je ne suis pas à traduire les terminologies comme ça dans l'adoration. C'est mieux, les gars, comme ils sont. Si tu trouves un équivalent exact, là, baisse, pas de mal. Mais tu trouves pas, laisse le mot comme il est. Tu dis artikef, et quand les gens disent c'est quoi artikef, tu expliques c'est quoi artikef. Un maraude spirituel, ça ressort pas le côté réel de l'artikef. D'accord? Par exemple, retraite spirituelle, quelqu'un peut la faire dans les montagnes. Je vais dans les montagnes, je vais me recueillir, j'écoute les oiseaux, je regarde les fleurs. Naam. Retraite spirituelle, ouais, naam. Ça peut être valable. Même. Parce que même retraite, comme on l'a dit à côté, mais retraite, ça peut être n'importe quel endroit. Là, c'est l'artikef, il a lieu que dans une mosquée. C'est tout. Que dans une mosquée. Taïeb. Après, il dit Hukm al-artikef. Quel en est son jugement? Qalem al-shulu'n wa mustahabun bil-kitab wa sunnati wa l'ijma' wa la yajibu illa bin-nazrin. Donc il dit que c'est une chose qui est légiférée, recommandée, cela appuyé par le livre et la sunna et le consensus, et que ce n'est obligatoire que si jamais c'est pour un vœu. Tu as fait le vœu de le faire, cet i'tikaf, tu dois le faire. En dehors de cela, ce n'est pas obligatoire. Donc il dit, c'est quoi déjà la preuve du Coran ? وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Il n'y a pas de rapport avec elles alors que vous êtes, d'accord, en i'tikaf dans les mosquées. Dans les mosquées. عَكِفُونَ الْعَكِفُ, c'est celui qui est مُعْتَكِف. Celui qui est qui s'est isolé dans le masjid pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la sunna, c'est quoi la preuve ? Hadith Aïcha. Elle dit, Aïcha, radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est entré dans les 10 derniers jours de Ramadan, il veillait toute la nuit, il réveillait sa famille, et il s'est consacré entièrement, intégralement à l'adoration. Et quand on dit Shadda al-Mizar, c'est-à-dire c'est comme si Yarni, il se privait de rapport. C'est l'équivalent, comme on dirait, par exemple, quelqu'un qui ne veut plus manger, il dit je me sers la ceinture. Ben là, c'est je me sers le Izar pour dire en fait je n'ai pas de rapport. L'Izar, c'est un vêtement qui se base à la base, qui recouvre la partie inférieure du corps. D'accord ? Voilà. Et il y a d'autres ahadiths qui sont venus qui démontrent que l'irtikef est une chose qui est légiférée. Et quant à l'ijma, le consensus, il a été rapporté par plus d'un des savants. Et parmi eux, Ibn Qudama, Ibn Munzir, Ibn Nawawi et autres. طيب. قال متى وأين يعتكف؟ Quand et où fait-on l'irtikef? Où et quand fait-on l'irtikef? قال يشرع ويصح في كل وقت في جميع المساجد. Que cela en fait, tu peux faire l'irtikef en tout temps, d'accord, et dans n'importe quelle mosquée. Bien qu'on sait qu'il y a khilaf, certains ulama voient que tu fais que dans les 3 mosquées. Ils sont Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi et Masjid al-Aqsa. C'est-à-dire Masjid al-Haram, mosquée sacrée à Mecca, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Al-Medina, celle qui est en Palestine. Il y en a qui voient que le jument il restera à ces 3 mosquées. Il y a un khilaf là-dessus. Tayyib. Donc il dit yajouz al-irtikaf fi Ramadan wa fi ghayrihi wa fi haq as-sawm wa ghayrihi. L'irtikaf, comme on l'a dit, peut être pour Ramadan, autre que Ramadan, et pour celui qui jeûne ou celui qui ne jeûne pas. Wa alaykoum salam. قال وإن اعتكف ليلا أو نهارا أجزأ وكذلك إذا اعتكف نصف نهر أو نهار أو ساعة أيضا أجزأ وراجح أنه لا حد لأقله لأن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير ولم يحده الشارع بشيء يخصه فيبقى على أصله. Donc il dit que si jamais même s'il fait l'irtikaf une nuit ou une journée, cela lui est valable. Même si il fait l'irtikaf une demi-journée ou une heure, cela lui est valable. Et la parole la plus sûre, c'est qu'il n'y a aucune limite au minimum. Il n'y a pas de minimum. Ça peut même être moins que cela. Car le mot irtikaf en langue arabe s'applique sur ce qui est en grande ou petite quantité. Et que la législation n'est pas venue pour déterminer un temps. Donc tu restes sur la base, sur l'origine, d'accord ? Tu n'as pas de limite. Tu peux faire l'irtikaf un mois par exemple. Par contre pour Ramadan, l'irtikaf qui est connu, qui est sunnah, c'est les 10 derniers jours. D'accord ? C'est les 10 derniers jours. قال تنبيه من ارتكف العشر الأواخر يبدأ ارتكافه من غروب الشمس اليوم العشرين لأن العشر تبدأ من غروب الشمس وهذا القول وراجح وهو ترجيح العلامة مقبل الوادعي رحمه الله تعالى. Donc celui qui compte faire l'irtikaf les 10 derniers jours de Ramadan, il commence son irtikaf du 20e jour après le Maghreb. Car les 10 derniers jours commencent à partir du coucher du soleil. Et ça, c'est la parole prépondérante choisie par le Cheikh Moukbil, rahimahullah ta'ala. Ça, c'est une chose à faire attention. Nous, en islam, la journée, on va dire, le nouveau jour débute quand ? Après le Maghreb. Par exemple, le mercredi, tu es le 19 de Ramadan. Par exemple. La journée du mercredi, c'est le 19 de Ramadan. C'est pas à minuit, tu rentres le 20, on est mardi. Non, le mardi rentre quand ? Au Maghreb. De ce même mercredi qui est à la base, on était habitué à ce rythme-là, ce même mercredi, coucher du soleil, c'est mardi. C'est jeudi, enfin, je dis mardi, c'est jeudi. Et là, tu es le 20. Le nouveau jour commence à partir du Maghreb, et non pas à partir de minuit. قال رابعا خروج المعتكف من المسجد وعليكم السلام لا سورتي دو معتكف de la mosquée الخروج لغير حاجه ذهب احمد ومالك والشافعي وابو حنيفه الى انه يبطل اعتكافه وان قل que des ulama comme l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, Abu Hanifa voient que celui qui sort du masjid, de la mosquée. D'accord ? Sans raison. Même si c'est une durée minime, cela annule son irtikaf. Cela annule son irtikaf. Amma al-khuruj li haja, ka qada al-haja wal lil akl aw ash-shurb, idha lam yajid ahadan yu'tihi aklan wala shurban, fa huwa jaiz. وعليه أن يقضي حاجته بسلعة ثم يرجع للمسجد قالت عائشة إن كنت لأدخل البيت لحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة donc le fait de sortir par contre pour un besoin comme par exemple accomplir ses besoins naturels ou pour manger ou pour boire. Si tu trouves personne qui te donne cela alors que tu es dans le masjid, alors cela est permis de sortir. Et celui qui fait cela a accompli son besoin en vitesse. Il mange vite, il boit vite, ou il va aux toilettes vite. Et après il revient au masjid directement. Et Aïcha, elle dit que je ne rentrais dans la maison que pour un besoin, et même s'il y avait un malade, d'accord, je ne demandais même pas son sujet. Ou alors, en passant. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrêtait pas pour visiter le malade. Alors qu'on sait que c'est une grande adoration. D'accord ? Mais elle ne le faisait pas. Pourquoi ? Parce que le Mourtakif, il n'a pas à faire ça. Il va, bon, allez, ça. Il va chez lui, il fait ce qu'il a à faire, et il revient. Taïeb. Khamisan. Afwan. Wa ajma'a ahlul ilmi ala an al Mourtakifa, lil Mourtakif al khuruj. Les rites ou le bol, n'aqal al-ijma al-wahidin ka ibn Munzir wa ibn ghayrihima. Donc il y a unanimité des savants que le murtakif peut sortir pour accomplir ses besoins, comme on vient de le dire à l'instant. Taïeb. Thumma qal, wa idha irtakafa fi masjid jama'atin la tuqamu fi al-jum'a, fa innahu yakhruju min al-jum'ati yusalli wa yusalli al-jum'ata thumma yarji' ila al-murtakifi. Wa yakun irtikafuhu sahihan. Irtikafuhu sahihan li anna al-aya 'amma. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Donc si jamais il fait irtikaf dans un masjid dans lequel il n'y a pas la khutba de Jumu'ah, là il sort de ce masjid pour aller là où il y a le Jumu'ah et il revient après dans le masjid où il fait irtikaf directement. Car le verset en preuve de l'irtikaf est général. Et n'ayez pas de rapport avec elle alors que vous êtes en irtikaf dans les mosquées. Tamam. Khamisan yaqul ma yaf'aluhu al-mu'takif. Que fait le mu'takif? Ya'takifu al-mu'takif li yatafarra li qira'ati al-Qur'an wa dhikri Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innama hadha al-irtikaf min ajli at-tafarruh farahan al-qalb lillah. والاجتهاد في طاعه الرحمن سبحانه وتعالى ويجتهد في قيام الليل من اجل التماس ليله القدر. Donc le mu'takif, qu'est-ce qu'il fait? Il se consacre pleinement à la lecture du Coran et à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'irtikaf n'a été légiféré que pour cette cause-là. D'accord ? Pour pouvoir libérer le cœur, hein, et se dévouer totalement à l'adoration. Par les membres, par la suite. Et également, il s'efforce de se lever pour faire Qiyam al-Layl, la salat de nuit, en vue d'atteindre les lettres Qada. Pour la rechercher dans les 10 derniers jours. Et le chapitre vient maintenant sur les lettres Qadar. Donc c'est le dernier chapitre. Donc attention à l'artikef, de ne pas perdre son temps à discuter à droite à gauche, rigoler, d'accord, pause café, ainsi de suite. Ça, c'est une chose qui peut peut-être annuler ton artikef, tu t'en rends même pas compte. C'est permis de parler vite fait avec quelqu'un qui a besoin ou quoi, mais ne pas oublier la raison de l'artikef. Ne pas oublier la raison de l'artikef. Car l'insan, souvent, quand il n'est pas mortakif, il est occupé par plein de choses. Il va à droite, à gauche, faire des courses, il y a besoin de ceci, il y a besoin de cela, il manque ceci, il manque cela. Il n'a pas le temps de prendre le mosraf et de lire. Donc l'irtikef, comme on dit, comme on l'a dit au début, hein, il s'impose et s'isole en vue de pouvoir faire ses adorations. Et là, personne ne l'embête. Inch'Allah. Tayyip. Al-Faslu al-Rabi' Laylatul Qadr. Au quatrième chapitre, Laylatul Qadr. Cette nuit-là, Laylatul Qadr, Layla, ça veut dire nuit, comme cela est connu. Et Qadr, ça a été mis pour deux termes. Qadr, comme le destin, comme on dirait. Et Qadr, comme une chose, le Outokdir, c'est une chose qui a beaucoup de respect. Qui a une grande valeur. D'accord ? Qui a une grande valeur. Et justement, cette nuit-là est une grande valeur. Car l'adoration de cette nuit-là équivaut à l'adoration de 1000 mois. Ce qui équivaut à combien ? 83 ans d'adoration. D'accord ? Et même, on dirait plutôt, comme a dit Ta'ala, les lettres du Qadr, khayrun min al-fishar, elle est meilleure que 1000 mois. Elle est meilleure que 1000 mois. D'accord ? Elle est meilleure que 1000 mois. Et cette nuit-là est une cause pour obtenir le pardon des péchés. Comme a dit le hadith d'Abi Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama bi dhanbihi. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui se lève cette nuit-là, hein, par foi et en cherchant la récompense, il lui sera pardonné ses péchés antérieurs. Et le shir a fait un tambih que cette récompense est valable pour celui qui sait cette valeur ou pas. D'accord ? Afwan. Celui qui sait que c'est la nuit ou pas. Afwan. Je rectifie. Par exemple, c'est levé les 10 dernières nuits de Ramadan. Et il ne sait pas quelle nuit était le Laylatul Qadr. Même s'il ne l'a pas su, s'il s'est levé avec foi, avec sincérité, et qui recherche la récompense, d'accord, Inch'Allah, il l'obtient. Il l'obtient. Et il y a un khilaf sur cette question, mais la vie le plus sûr, c'est celui-ci. Car il n'y a rien qui démontre qu'il faut que tu saches que c'est cette nuit-là pour avoir la récompense. Tayyip. Qala, mata laylatul qadr. Quand est-ce que cette nuit a-t-elle lieu? Quand est-elle? Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, iltamisuha fil ashr al-awakhir. وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que cette nuit-là, il faut la rechercher les 10 derniers jours de Ramadan, on dirait plutôt les dernières nuits, et à quel moment particulièrement? Au witr, au moment où tu fais les rakats du nombre impair. فِي كُلِّ وِتْرٍ. Et le hadith, il est مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ, rapporté par Bukhari et Muslim. Et plus précisément, cette nuit-là, on peut la trouver dans les 7 dernières nuits. Comme a dit le hadith Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, ara ru'yakum kod tawatta'at في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. طيب نعم. Donc là il dit quoi le prophète صلى الله عليه وسلم selon Abdullah ibn Omar, il a dit cherchez-la lors des 10 dernières nuits. Et si d'entre vous est affaibli, n'a pas la force de faire ces 10 nuits-là, il dit alors les 7 dernières. Les 7 dernières. D'accord ? Les 7 dernières nuits. C'est-à-dire du 23 au 30. Mais à savoir qu'il est possible qu'elle soit le 21. Il est possible qu'elle soit le 21. Donc le meilleur, c'est de faire en sorte d'avoir les 10 dernières nuits. C'est ce qui est le plus sûr. Bismillah ta'ala. Il dit Aramat Laylatul Qadr. C'est signe pour pouvoir la reconnaître. Laylatul Samha. La harra wa la barida. C'est une nuit, voyez, qui est ni chaude ni froide. Elle est ni chaude ni froide. Comme cela est venu dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait: Inni kuntu uritu laylatul qadr, thumma nussituha, wa hiya fil ashr al-awakhir min laylatiha, wa hiya laylatun talqatun baljatun la harra. Voilà Barida. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pour le hadith, Akhrajou ibn Khuzayma ou Ghayrou, que la nuit du Qadr m'a été montrée, puis elle m'a été fait oublier. C'est pas que je l'oublie, c'est qu'on me l'a fait oublier. Elle est dans les 10 derniers jours, ou plutôt les 10 dernières nuits, et c'est une nuit, on va dire, tempérée, ni froide, ni chaude. Ni froid, ni chaud. Donc parmi ces signes, d'accord, Al-Jaw, le climat. C'est une nuit qui est douce. C'est une nuit qui est douce. Nuzul al-Matar. Il pleut cette nuit-là. Un abissé de Khudri, quand elle est, Fastahallat al-Sama fi tilka al-Laylati, fa amtarat, fa wakafa al-Masjidu fi musalla al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ليله 21 انظر ليله 21 وبصرت عيني صلى الله عليه وسلم ونظرت اليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء متفق عليه وسلام ابو سعيد الخدري qui a dit qu'il a plu cette nuit là la nuit du Qadr que le masjid était mouillé. C'était quelle nuit? La nuit du 21. La nuit du 21. Et j'ai vu de mes yeux, plutôt mes yeux ont vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je l'ai vu alors qu'il partait du masjid au sobh, et son visage était plein de terre et d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de toit comme maintenant. C'était des feuilles de palmier. Donc l'eau est traversée. Et par terre, c'était mouillé. Donc en se prosternant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mouillait. D'accord ? Donc c'est une preuve que cette nuit-là, il pleut. Thumma qala tulu' ash-shamsi fi sabihat tilka al-layla la shu'a laha. Donc là, ce matin-là, le soleil se lève sans rayon. Le soleil se lève sans rayon. Wa an-nabi Ka'b, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna ash-shams tatlu'u fi dhalika al-yawm la shu'a laha. Akhraj Muslim. Qu'il est dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Ubay ibn Ka'b, que le soleil se lève ce matin-là, sans rayon autour de lui. C'est comme une pièce d'argent dans le ciel. Et ça dure peut-être à peu près une demi-heure. D'accord ? D'après son lever jusqu'à ce qu'il se lève, le soleil, à peu près une demi-heure, 20 minutes, après il redevient normal. Une chose à savoir, qu'il n'est pas obligatoire de trouver ces trois signes-là. Tu peux en avoir qu'un seul. Alors, je ne dis pas, il n'a pas plu, on ne sait pas cette nuit-là. Non, je ne sais pas. Ou le matin, je n'ai pas vu le soleil, d'accord, son rayon, donc ce n'est pas cette nuit-là. Non, je ne sais pas. Mais le signe le plus flagrant, c'est le dernier, le soleil. Le plus flagrant, c'est le dernier, c'est le soleil. Non. Donc de là, alhamdoulilah, s'achève la lecture de cette malzama. espérant qu'Allah la rendra bénéfique pour les musulmans francophones. Ce sont des bases qu'on a dit, choses élémentaires à savoir. Parmi elles, certaines qui sont obligatoires, d'autres qui sont mustahabba, comme ce qui concerne l'irtikaf, les lettres al-qadar, et ainsi de suite. Car ces choses-là sont liées au mois de Ramadan. Elles sont liées ensemble. Donc là, ce n'est pas les règles du jeûne en soi, mais c'est plutôt par rapport à Ramadan. D'accord ? فنسأل الله وفقنا الجميع أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى ونقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك